bon Jésus. Écris musique pour lui, belle mélodie, pour faire qu'elle toujours content. Moi, pas de jambes connaît, un jour comme ça, moi, tape jouer musique pour lui, faire belle louange pour lui, pour m'bali gloire. Salut, mes mérités. Choisi pour me faire service li, tant qu'il y a un vrai disciple qui pour marcher avec lui. Moi, pas de jambes connaît, un jour pour jodi à Jésus, t'as servi avec pour me si maille parole là, côté me passer, pour me ramener petit li yo. Les points moins, les points moins.